Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louons à Dieu, Seigneur des univers. Wa salatu wa salamu ala amir al-anbiya wa imam al-mursalin. Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa li salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدرس الخامس والثلاثين. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le cours numéro 35. كانت بيعة العقبة الثانية نصرا كبيرا للإسلام. La deuxième allégeance d'Al-Aqaba fut une grande victoire pour l'islam et les musulmans. فبعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. Juste après cette deuxième allégeance, le prophète prière et sur lui a dit à ses compagnons dans la Mecque, « Ra'aytu fil manam, anni uhajiru min makkata ila ardin biha nakhlun. » J'ai vu dans un songe nocturne que j'immigrais vers de la Mecque, vers une terre où il y a beaucoup de palmiers. « Fadahaba wahli ila annaha al-yamama » Et j'ai pensé automatiquement à la ville de Yamama qui se trouvait au Yémen, ou Hajar, Hajar Madina fil Bahrein, ou bien la ville de Hajar, une ville qui se trouve dans le pays de Bahreïn. Fa'idha hiya al-Madina Yathrib. Mais plutôt, c'était la ville Yathrib, ça veut dire Médine. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى المدينة. Et par la suite, le messager de Dieu, prière et sur lui, a ordonné à ses amis de sortir, d'émigrer, de faire l'égir vers Médine. عند إخوانهم الأنصار, pour aller auprès de leurs frères, les Ansar, وقال لهم, et leur dit, إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. Dieu vous a aménagé des frères, vous a préparé des frères et une maison de sécurité pour vous. Ça veut dire la maison, c'est Médine. Rawahu ibn Ishaq, rapporté par ibn Ishaq. وبدأت هجرة الصحابة رضوان الله عليهم من مكة إلى المدينة. Et l'égir des compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, les compagnons du prophète, prière et sage joie, a démarré, a commencé de la Mecque. وكي نأخذ فكرة عن ظروف الهجرة أعطيكم بعض الأمثلة. Et afin de comprendre ou d'avoir une idée des circonstances de l'égir, je vais vous donner quelques exemples. المثال الأول, le premier exemple, هو عن عائلة أبي سلمة رضي الله عنه. Le premier exemple concerne la famille d'Abu Salama, que Dieu soit satisfait de lui. Abu Salama, أول من هاجر إلى المدينة من بين الصحابة, c'était le premier qui a immigré vers Médine parmi tous les compagnons. هو أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد. C'est أبو سلمة, le père de سلمة, عبد الله, fils de عبد الأسد. وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة était le cousin maternel du prophète, prière et salut sur lui. هاجر مع زوجته أم سلمة رضي الله عنها إلى الحبشة. Avant de faire cette égir vers Médine, il a accompli déjà une autre vers l'Abyssinie avec sa femme, أم سلمة, la mère de سلمة, que Dieu soit satisfait d'elle. وبعد عودته إلى مكة, après son retour de l'Abyssinie vers la Mecque, آدته قريش, les Quraychites lui ont fait beaucoup de mal. وسمع ببيعة العقبة الأولى, et après le mal, il a entendu la première, et non pas la deuxième, la première allégeance d'Al-Aqaba. وَسَمِعَ أَنَّ هُنَاكَ إِخْوَانًا بِالْمَدِينَةِ. Il a entendu comme quoi il y a des frères à lui, des frères musulmans qui se trouvent à Médine. سَنَا قَبْلَ هِجْرَةِ الصَّحَابَ. Et ceci avait lieu une année avant l'égire des compagnons des musulmans de la Mecque vers Médine. فَقَرَّرَ الْهِجْرَةِ. Il a décidé de faire l'égire. وَخَرَجَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَابْنِهِ سَلَمَةِ. Et il est sorti accompagné de son épouse Salama et de son fils, de son enfant à bas âge, Salama. Qasidan al-Madina, en se dirigeant vers Médine. Fara'ahu aqaribu zawjatihi, les proches de sa femme l'ont vu. Faqalu lahu hadihi nafsuk ghalabtana 'alayha. Ils lui ont dit: en ce qui te concerne, on ne peut rien dire. Tu veux faire l'égir, on ne peut rien dire à toi. Ara'aita sahibataka hadhihi. Mais ton épouse, celle-ci, ala man atrukuka tasiru biha fil bilad. Pourquoi on va te laisser la prendre et voyager avec elle dans les pays? Wa akhadhu Salama. Et ils ont saisi, ils ont emprisonné Salama, son épouse. Faghadiba aqarib Abu Salama. Et les proches, la famille de Abu Salama, lorsqu'ils ont vu ceci, ils se sont énervés. Faqalu la wallah, la matruk ibnana Salama inda. Ils ont dit: par Dieu, on ne va pas laisser notre petit-fils Salama chez cette femme, li'annakum nazahtumuha min sahibina, parce que vous l'avez prise ou vous l'avez empêché de voyager avec notre fils, c'est-à-dire Abu Salama. فَتَجَادَبُ الصَّبِي سَلَمَ بَيْنَهُمْ. Et ils se sont tirés entre eux, l'enfant Salama, حَتَّى خَلَعُوا يَدَهُ, jusqu'au point les uns tirés à gauche, les autres à droite, et jusqu'au point d'arracher la main du bébé Salama. كُلُّ هَذَا أَمَامُ وَلِدَيْهِ. Tout cela a eu lieu devant le regard de ses parents, Abu Salama et Salama. بنو عبد الأسد بنو عبد الأسد أخذوا الصبي. Les بنو عبد الأسد, ils ont pris le bébé. وبنو المغيرة أخذوا المرأة سلمة. Et les بنو المغيرة, les proches de la femme, ont pris avec eux la femme, c'est-à-dire سلمة. وانطلق الزوج أبو سلمة وحده إلى المدينة. Et le mari Abu Salama est parti seul vers Médine. قالت سلمة رضي الله عنها, la mère de سلمة, que Dieu soit satisfait d'elle, dit: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني, يعني في لحظة واحدة, في يوم واحد, et on m'a séparé de mon mari et de mon fils pendant un seul instant, pendant un seul jour. فكنت اخرج كل يوم الى الابطح, يعني خارج مكة, et je sortais par la suite, elle dit, je sortais chaque jour vers الابطح, un lieu qui se trouve à l'extérieur de la Mecque, et je pleurais du matin jusqu'au soir. Un jour, deux jours, usbour, une semaine, usbouan, deux semaines, shahr, un mois, shahran, deux mois, sana, une année. كل يوم تخرج خارج مكة وتبكي وتبكي وتبكي أمام الله تعالى وتبارك على ما أصابه. Chaque jour, elle sortait à l'extérieur de la Mecque et pleurait toute la journée devant Dieu subhanahu wa ta'ala pour l'épreuve qu'elle a subie. Sana wa hiya tabki, une année de larmes. Wa ba'da sana ra'aha ibn 'ammin lah fi al-abtah. Et après un an, un de ses proches, un cousin à elle, l'a vu en train de pleurer dans l'abtah. Farahimaha, et il a eu pitié envers elle. بمعنى رحمها الله تعالى وتبارك وأرسل إليها ابن عمها هذا المشرك فرحمها برحمة الله تعالى وتبارك لها. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui a envoyé sa clémence et sa miséricorde par le biais de cet associateur qui est son cousin. وقال لبني المغيرة, et يعني, son cousin a dit à ses proches, les Banu al-Mughira, ala tukhrijuna hadhihi al-miskina, est-ce que vous n'allez pas laisser sortir cette pauvre? فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. Vous l'avez séparée de son mari, de son fils. فقالوا لها الحقي بزوجك إن شئتي. Rejoins. Et lui ont dit, ça veut dire ses proches, lui ont dit rejoins ton mari dans le cas où tu veux. وعند ذلك رد بنو عبد الأسد الصبي لأمي à ce moment-là, les proches du mari ont rendu le bébé à sa mère. ومباشرة ما انتظرت مباشرة أخذت ولدها وركبت ناقتها وتوجهت إلى المدينة وحدها. Et tout de suite, elle n'a pas entendu. Elle a pris son fils, elle s'est mise sur sa chamelle et elle a pris la direction de Médine. Et à l'extérieur, dans la banlieue nord de la Mecque, elle a rencontré un associateur mouchrik, ismuhu Uthman ibn Talha, Uthman fils de Talha, ahad al-mouchriki. Faqala lah, ila ayna yabnata Abi Umayya. Vers où tu te diriges, ô fille de Abu Umayya? Qalat uridu zawji bil Madina. Elle a répondu, je veux rejoindre mon mari à Médine. Qala awama ma'aki ahad. Il lui a dit, et il n'y a personne avec toi dans ton voyage? Tu vas voyager 500 km seul? Une femme qui voyage 500 km seule? Unzur Allah ta'ala wa tabarak, كيف سيفرج كربها وكيف سيأتيها بمن يعينها مشرك سينصرها بمشرك سينصر مسلمة بمشرك. قالت لا والله إلا الله وبني هذا. ما معي إلا الله وبني هذا. Elle a répondu, par Dieu que non, il n'y a avec moi que lui, que Dieu et mon petit-fils, celui-ci. قال عثمان. عثمان dit, والله ما لك من مطرك. Il a dit, par Dieu, je ne te laisse pas partir seul. Ça veut dire, je vais t'accompagner. فانطلق معها. Et il l'a accompagné. هكذا كان خلق العربي المشرك. فما بالك بخلق العربي المسلم في ذلك الوقت. À cette époque, ainsi était la morale, le caractère d'un arabe associateur, que dire d'un arabe musulman à l'époque. تقول أم سلمة. أم سلمة dit, la mère de سلمة dit, فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. Par Dieu, je n'ai jamais accompagné un arabe que j'ai trouvé meilleur que lui, que Uthman, fils de Talha, ou généreux, ou plus généreux que lui. فلما وصلنا المدينة, lorsqu'on est arrivé à Médine, قال لي, Uthman m'a dit, زوجك في هذه القرية. Ton mari se trouve dans cette cité, ثم رجع إلى مكة, et il a rebroussé chemin vers la Mecque. بعد هذا الابتلاء الكبير, après cette grande épreuve qui a touché cette famille, اجتمع شمل العائلة بالمدينة من جديد. Dieu سبحانه وتعالى les a réunis de nouveau à Médine. وأكرم الله أبا سلمة بالحياة الأبدية. Et Dieu, devant cette grande épreuve, a honoré le père de سلمة, Abu سلمة, par la vie éternelle. مات شهيدا بعد غزوة أحد. Il est décédé en tant que martyr après la bataille de Uhud. La vie éternelle. وأكرم الله أم سلمة بالزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Dieu le Très-Haut a honoré la mère de سلمة, أم سلمة, par le mariage avec la meilleure créature, محمد صلى الله عليه وسلم. وأكرم طلحة بن عثمان هذا الصديق الوفي الكريم أكرم طلحة بن عثمان بالإسلام قبل فتح مكة. Et il a honoré ce compagnon fidèle et digne de confiance, cet associateur Uthman fils de Talha, et Dieu l'a honoré par l'islam. Il est devenu musulman avant la conquête de la Mecque. وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مفاتيح الكعبة. Et le messager de Dieu, Muhammad صلى الله عليه وسلم, l'a honoré en lui donnant le jour de la conquête de la Mecque. Il lui a donné les clés de la Kaaba. C'est lui qui va détenir, ainsi que sa famille et sa descendance, les clés de la Kaaba. المثال الثاني, je vous donne le deuxième exemple. Sohaib Ar-Rumi. Sohaib le Byzantin. خرج رضي الله عنه من مكة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sohaib a quitté la Mecque et a pris la direction de Médine pour accomplir sa hijra vers le messager de Dieu, prière et sa hijra. فَتَبِعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et un certain groupe d'associateurs l'ont poursuivi. فَأَخَذَ سِهَامَهُ. Il a saisi ses flèches وَقَالَ لَهُمْ. Et leur dit, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ. Ô ensemble de Quraishites. قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي مِنْ أَرْمَاكُمْ. Vous savez que je suis le meilleur parmi vous tous qui sait viser avec les flèches. وَوَاللَّهِ لَا تَصِلُونَ إِلَيَّ حَتَّى أَرْمِيكُمْ بِكُلِّ سَهْمٍ مَعِي. Par Dieu, vous n'allez pas m'atteindre qu'après que je vide toutes mes flèches. ثُمَّ أَضْرِبُكُمْ بِسَيْفِي مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي يَدِي مِنْهُ شَيْءٌ. Et je vais vous frapper avec mon épée tant que celle-ci tienne dans ma main. فَقَالُوا لَهُ. Ils lui dirent, أَتَيْتَنَا صُعْلُوكًا. يعني فقيرا حقيرا. Tu es venu vers nous, c'est-à-dire vers la Mecque, en tant que pauvre, en tant qu'une personne humiliée. فَكَثُرَ مَالُكَ عِنْدَنَا. Et après tu t'es constitué dans la Mecque une fortune. ثُمَّ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ بِمَالِكَ وَنَفْسِكَ. وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ. Et par la suite tu veux nous quitter par ta personne et par tes biens. Jamais on te laissera faire. فَقَالَ لَهُمْ صُهَيْب. Et Suhaïb leur dit, أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلْتُ لَكُمْ مَالِي أَتُخَلُّونَ سَبِيلِي. Dans le cas où je vous laisse ma fortune entière, allez-vous me laisser partir vers mon ami Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قَالُوا نَعَمْ. Ils dirent oui. فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعَ مَالِهِ. Et il leur a donné toute sa fortune. تَرَكَ مَالَهُ وَاخْتَارَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ sallallahu alayhi wa sallam. Il a abandonné toute sa fortune et il a choisi en contrepartie Allah, Dieu et son messager, prière et sa joie. فَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِآيَةٍ. Et Dieu l'a honoré par un verset coranique. لَمَّا رَآهُ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam وَقَبْلَ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِي بِالْقِصَّةِ. Lorsque le messager, prière et sa joie, l'a vu à Médine, et avant que celui-ci informe le prophète, prière et sa joie, قال له النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète, prière et sa lui dit, ربح البيع أبا يحيى. هو صهيب أبو يحيى. ربح البيع أبا يحيى. La transaction est gagnante au Abu Yahya. Abu Yahya, c'est صهيب, le père de Yahya. ربح البيع أبا يحيى. La transaction est bien gagnante au Abu Yahya ou bien au صهيب. وأنزل الله الآية الكريمة. Et Dieu a fait descendre ou a révélé le verset coranique noble. ومن الناس صهيب. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Parmi les humains, il en est, parmi les humains, c'est-à-dire il y a صهيب. Parmi les humains, il en est qui vend son âme pour obtenir la satisfaction de Dieu. Dieu est plein de compassion pour les serviteurs. وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالْمَالِ هُوَ أَعْطَى مَالَهُ لِلَّهِ. اللَّهُ أَعْطَاهُ مَالًا آخَرَ وَثَرْوَ أُخْرَى. Et Dieu l'a honoré par une autre grande fortune. Il a darajat an qala lahu Umar radiyallahu anhu. Jusqu'au point qu'un jour Omar lui dise, أراك تطعم الطعام الكثير. Je vois que tu donnes beaucoup de repas. Tu nourris beaucoup de personnes. وذلك صرف وتبذير. Et je pense que c'est un gaspillage. C'est Omar, l'émir des croyants, qui lui dit ça. فقال صهيب. Et صهيب a répondu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام ورد السلام. Il a répondu par cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui nourrissent les pauvres, qui donnent à manger aux autres et qui répondent aux salutations. رواه الإمام أحمد, rapporté par l'imam Ahmed. فذلك الذي يحملني على أن أطعم كما رأيت. Et c'est la chose qui me pousse à nourrir les autres comme tu l'as vu. Ça veut dire ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. المثال الثالث, le troisième exemple. ثلاثة أصدقاء c'est l'exemple de trois amis. تواعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل رضي الله عن الجميع. Trois amis se sont engagés à accomplir ensemble l'égir. Omar, fils de Khattab, Ayyash, fils de Abu Rabi'a, Hisham, fils de l'As, fils de Wa'il. Que Dieu soit satisfait de l'ensemble. Ils se sont donné rendez-vous un lieu à l'extérieur de la Mecque, At-Tanadou, qui s'appelle At-Tanadou. وقالوا من لم يصبح هناك فقد حبس. Ils ont dit, celui qui ne sera pas au rendez-vous le matin là-bas, c'est-à-dire il a été emprisonné, empêché par les associateurs, فليمضي صاحبه, que les deux autres continuent leur voyage, ils l'attendent pas, ça y est, il est emprisonné. فأصبح عمر وعياش عند التناضو وحبس هشام. Donc le lendemain, à l'heure fixée, il y a eu la rencontre entre Omar et Ayyash, et Hisham a été retenu par les associateurs. وَفُتِنَا فَفْتُتِنَا. Et on a exposé à l'épreuve, les associateurs l'ont exposé à l'épreuve, la discorde, la fitna, la tentation, et il a cédé. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, c'est-à-dire Omar et Ayyash, نزل في بني عمرو بن عوف بقباء. Ils se sont installés chez les Banu Amr, fils de Auf, dans un lieu géographique de Médine qui s'appelle Quba. وجاء المدينة بعدهما أبو جهل فرعون الأمة. أبو جهل ابن هشام وأخوه الحارث ابن هشام يبحثان عن عياش ابن أبي ربيعة. Et deux parmi les Mécois les ont poursuivis, Abu Jahl, le pharaon de cette nation, Abu Jahl, fils de Hisham, et son frère, Al-Harith, fils de Hisham, ils cherchaient Ayyash, fils de Abu Rabi'a. Wa kana Ayyash ibn ammihima wa akhahuma li ummihima. Yani, ummu tazawajat rajulayni, akhawayni. Fa haoula, ikhwanu min ummu, walakin abna ammu. Yani Abu Jahl wa Hisham ibn al-Harith. Donc Ayyash, représenté pour Abu Jahl et son frère al-Harith, il représentait un frère, un demi-frère à eux et un cousin à eux, parce que la maman de Ayyash s'est mariée avec deux frères. Donc en même temps, ils sont des demi-frères et des cousins. Et ils sont venus le chercher. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال بمكة. Le messager de Dieu, prière et sagerie, était toujours dans la Mecque. فكلم عياش. Ils ont parlé avec عياش. إن أمك قد نظرت أن لا يمس رأسها مشط حتى ترك. Ils ont dit à عياش, oh notre frère, ta maman a fait une promesse, un engagement, jamais elle va se peigner que lorsqu'elle te voit. ولا تستظل من شمس حتى تراك. Et jamais elle se mettra à l'abri du soleil que lorsqu'elle te verra. Elle sera toujours exposée au soleil, le châtiment pour elle, tant qu'elle ne te voit pas. فرق لها. Et il a eu une grande pitié à l'égard de sa mère. فقال عمر بن الخطاب لعياش. Et Omar, fils de Khattab, ce grand homme qui voyait avec une grande clairvoyance, a dit à Ayyash, à son grand ami Ayyash, « Ya Ayyash, oh Ayyash, Wallahi inna al-qawma yuriduna an yaftinouk an dinik fahbarhum. » Par Dieu, ces deux veulent te faire subir une grande épreuve, une grande tentation dans ta religion. Méfie-toi d'eux. فوالله لو آدى أمك القمل لم تشطت. Par Dieu le Très-Haut, dans le cas où les poux vont faire du mal à ta maman, sûrement elle va se peigner. ولو اشتد عليها حر مكة لاصطدمت. Et par Dieu, si ta maman souffre de la grande chaleur du soleil de la Mecque, elle va se mettre à l'abri. ف فقال عياش رضي الله عنه أضر قسم أمي. عياش a dit non, je vais honorer le serment de ma mère. ولي هناك مال أخذه, et j'ai une fortune que j'ai laissée dans la Mecque. L'argent que j'ai laissé dans la Mecque, je vais le prendre et revenir vers Médine. قال له عمر. Omar lui dit, والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا. Tu sais que par Dieu, je suis parmi les plus grands riches de la Mecque, c'est-à-dire moi, Omar. فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. Je te donne la moitié de ma fortune et ne reviens pas avec eux. هذه الصداقة الإسلامية, telle est l'amitié musulmane. هذه الأخوة الإسلامية, telle est la fraternité musulmane. Je te donne la moitié de ma fortune et reste. ورفض عياش وقرر الرجوع إلى مكة. Mais عياش a refusé, il a préféré revenir vers la Mecque. فقال له عمر. Et Omar lui dit, خذ ناقتي فإنها نجيبة دلول. Prends ma chamelle, parce qu'elle est rapide et docile. فالزم بهرها, reste sur son dos. فإن رابك من القوم ريب فانجو بها. إذا جاك شك ولا حسيتي بشي حاجة مش مليحة من هاد الزوج هادو, أهرب. Et dans le cas où tu as le moindre doute pendant le voyage du retour vers la Mecque, un doute de ces deux, sauve-toi grâce à ma chamelle. Wa fi tariq Makkah, et pendant le chemin du retour vers la Mecque, qala Abu Jahl li 'Ayyash. Abu Jahl a dit à son frère, à son demi-frère 'Ayyash, ya akhi, ô mon frère, wallahi laqad istaghlabtu ba'iri hadha. Par Dieu, j'ai du mal à cause de mon chameau. Il m'a fait mal. أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ ما تردفنيش معاك على الناقة ديالك؟ Est-ce que tu peux pas me prendre en même temps que toi sur ta chamelle, qu'on se mette à deux sur ta chamelle؟ قال عياش بلى. عياش dit si. فلما نزل, lorsqu'il était, comment dire, sur le sol, عياش, pour s'échanger ou pour le mettre avec lui, هجموا عليه, ils l'ont attaqué, فأوثقاه وربطاه. Et ils l'ont وربطاه. Lorsqu'il était sur le sol, ils l'ont attaqué, ils l'ont enchaîné, ودخل به مكة وفتناه ففتن. Et ils sont entrés dans la Mecque, accompagnés par leurs prisonniers, et ils l'ont soumis à la grande épreuve, la tentation, et il a cédé. وقال يا أهل مكة, et ils ont dit, oh, ils sont entrés pendant le jour, aux gens de la Mecque, هكذا ففعلوا بسفهائكم, ainsi vous devez faire à vos pervers, كما فعلنا بسفيهنا, exactement comme nous avons fait à notre pervers, c'est-à-dire عياش. قال عمر رضي الله عنه, Omar, que Dieu soit satisfait de lui, dit, كُنَّا نَقُولُ, on disait à l'époque, les musulmans disaient à l'époque, مَا اللَّهُ بِقَابِلٍ مِمَّنِ افْتَتَنَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَلَا تَوْبًا. Sûr, Dieu ne va pas accepter ni excuse, ni repentir de la part de celui qui a cédé à la tentation, ou à la discorde, ou à la grande épreuve, c'est-à-dire revenir vers le passé, vers la mécréance. قوم عرفوا الله, des gens qui ont connu Dieu, ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم, et après ils sont revenus vers la mécréance à cause d'une épreuve qui les a touchés. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله فيهم هذه الآيات, et après l'arrivée de Muhammad صلى الله عليه وسلم à Médine, Dieu a révélé à leur égard ces versets coraniques. وَمَا أَجْمَلَهَا مِنْ آيَاتِ, et combien sont beaux ces versets coraniques. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا وَتُوبُوا وَارْجِعُوا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dis, ô mes serviteurs, qui avaient trop surchargé votre âme, c'est-à-dire ils ont fait le grand crime ou le grand péché. Ne désespérez pas en la clémence de Dieu. Dieu absout les péchés dans leur totalité entière. C'est lui par excellence l'absoluteur et le clément. Revenez repentant à votre Seigneur et Maître et soumettez-vous loyalement à lui avant que ne vous vienne le supplice. Vous ne recevrez alors aucun secours. فكتب عمر انظروا الى الصداقه عمر لم ينسى صاحبي. Et Omar a écrit ces versets coraniques sur une feuille. Il n'a pas oublié son amitié avec ces deux. وَبَعَثَ بِهَا إِلَى هِشَامْ إِبْنِ الْعَاصِ. Il a envoyé le courrier à Hisham, fils de l'As, dans la Mecque. قَالَ هِشَامْ. Hisham dit, فَلَمَّا أَتَتْنِي. Lorsque j'ai reçu ce courrier de Omar avec ce verset coranique, جَعَلْتُ أَقْرَأُهَا. J'ai commencé à le lire. وَأُعِيدُهَا. Et je répétais la lecture. وَلَا أَفْهَمُهَا. Sans rien comprendre. Il comprenait le verset, mais il ne comprenait pas pourquoi Omar lui a envoyé ce verset. Jusqu'au point que j'ai dit, ô mon Seigneur, aide-moi à comprendre ce verset, ou le sens de ce verset, ou le sens voulu par Omar. فألقى الله في قلبي أنها أنزلت فينا. Et à ce moment-là, Dieu a mis dans mon cœur cette compréhension comme quoi ce verset nous concerne, comme quoi ce verset a été révélé pour résoudre notre problème. وفي ما كان يقال فينا. Et comme quoi ce verset est venu pour répondre à ceux qui disaient comme quoi Dieu jamais il va accepter le repentir de ces gens-là, comme quoi Dieu a accepté ou peut accepter leur repentir et peut absoudre leur grand péché. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الوليد بن الوليد إلى مكة مستخفيا. Et par la suite, lorsque le messager de Dieu, prière et sagesse, était dans Médine, était parti à Médine, il a envoyé Al-Walid, fils de Al-Walid, en cachette, déguisé, pendant la nuit, il marchait que pendant la nuit, pour entrer dans la Mecque et les libérer. وَكَانَ عَيَّاش وَهِشَامْ مَحْبُوسَيْنِ فِي بَيْتٍ لَا سَقْفَ لَهُ. Hisham et Ayyash étaient emprisonnés dans une maison qui n'avait pas un toit. حَتَّى يَذُوقَ عَذَابَ الشَّمْسِ. Pour subir la chaleur du soleil le jour. فَتَصَوَّرَ بِالْلَيْلِ. Il est passé par-dessus le mur pendant la nuit. فَكَسَّرَ قُيُودَهُمَا. Il a brisé leurs liens de fer. وَرَجَعُوا جَمِيعًا إِلَى الْمَدِينَ الْمُنَوَّرَةِ. Et ils sont revenus ensemble vers Médine. هَكَدَ كَانَتْ تَكُونُ الْهِجْرَةِ. Ainsi se passait l'hijra. الْهِجْرَةَ لَمْ تَكُنْ سَفَرًا سِيَاحِيًا يعني فِي سَيَّارَةٍ مُكَيَّفَةٍ. L'hijra n'était pas un voyage touristique dans un car ou dans un bus, dans une voiture climatisée, etc. C'était une grande souffrance. Al-mithal al-rabi wal-akhir. Le quatrième et dernier exemple. Wa inshallah fil usbu' al-qadim al-yawm la nastati' an nuhallil wa naqum bi mulahadhat 'an kull ma ra'ayna min qasas wa 'an al-hijra, walakin inshallah fil usbu' al-qadim sanuhallil wa sanaqum bi mulahadhat عن هذه الهجرة التي قام بها الصحابة. Mais la semaine prochaine, inshallah, on va analyser, on va faire des remarques concernant ces histoires que nous avons vues aujourd'hui. المثال الرابع والأخير. Le quatrième et dernier exemple. هذا المثال لم يذكره ولا واحد من الذين كتبوا في السيرة. لم يخطر ببالهم. يعرفون القصة ولم يخطر ببال أحد أن يذكرها في سياق الهجرة. Donc personne de ceux qui ont écrit dans la sira du prophète, prière et sagesse, n'a souligné ou n'a cité cet exemple, malgré que c'était un bon exemple à mon avis. Al-Mithal, huwa Zaynab, radiyallahu anha, bintu Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple concerne la fille du prophète, prière et sagesse, Zaynab. Que Dieu soit satisfait d'elle. تزوجها أبو العاص ابن الربيع. Elle était épousée par Abu al-As, fils de Al-Rabi'a, wa huwa min aghniya'i Makkah wa tujariha. Il fut, Abu al-As, fils de Al-Rabi'a, fut parmi les plus riches de la Mecque et parmi ses plus grands commerçants. Wa Abu al-As ibn al-Rabi'a huwa ibn Khalid Zainab radiyallahu anha. Abu al-As était le cousin maternel de Zainab. Que Dieu soit satisfait d'elle. Yani, Ummuhu Hala, sa maman était Hala, et la maman de Zainab était la grande Khadija. Et les deux étaient des sœurs. Que Dieu soit satisfait de Khadija, radiyallahu anha. Wa talabat Khadija, radiyallahu anha, min Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, an yuzawwija Abu al-As bi Zainab. Akbar banat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la grande Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle pendant sa vie, a demandé à son mari, Muhammad, prière et salut sur lui, de faire marier sa grande fille, sa fille la plus âgée, Zainab, par Abu al-As, fils de Rabi'a. Wadalika qabla nuzul al-wahy. Et ceci a eu lieu avant la révélation, avant que Muhammad, prière et sage lui, soit devenu un prophète. « وَتَمَّ الزَّوَاجِ » Et le mariage a eu lieu. « وَكَانَتْ خَدِيجَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَعُدُّ أَبَ الْعَاصِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا » Et la grande Khadija, notre mère Khadija, voyait en Abu al-As un fils à elle. Elle le considérait comme un fils, parce que c'était le fils de sa sœur. فلما أكرم الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، lorsque Dieu le très haut a honoré Muhammad prière et sage lui par le grand message، آمنت به زوجته خديجة رضي الله عنها، وكل بناته رضوان الله عليهم. À ce moment-là, son épouse Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, et toutes ses filles, que Dieu soit satisfait d'elle, ont cru en lui comme messager. بما فيهن زينب أنكلو زينب رضي الله عنها وثبت أبو العاص زوجها وابن خالتها على شركه mais son cousin maternel Abu al-As est resté associateur. Il n'a pas voulu changer de religion, il n'a pas embrassé l'islam. وذهب المشركون عند أبي العاص ابن الربيع وقالوا له فارق زينب. Et les associateurs mécois sont partis voir Abu al-As pour lui dire « Sépare-toi de Zainab. » Sépare-toi de Zainab et on va te marier par la meilleure fille qui se trouve dans la Mecque, la plus belle de la Mecque, afin de faire souffrir Muhammad par ce divorce, sallallahu alayhi wa sallam. Qala Abu al-As. Abu al-As leur dit, la wallah, par Dieu que non, inni la ufariqu Zainab zawjati. Je ne me sépare jamais de mon épouse Zainab. Wa ma uhibbu anna li bimra'ati imra'atan min Quraysh. Et je n'accepte aucune femme de Quraysh à la place de mon épouse Zainab. كان يحب كثيرا زينب. أبو العاص aimait beaucoup sa femme زينب, la fille du prophète صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه الخير. Et le prophète prière et sage lui ne disait que du bien de أبو العاص, le mari de sa fille. وفرق الإسلام بين زينب رضي الله عنها حين أسلمت وبين زوجها المشرك. Et l'islam a séparé entre les deux, entre Zainab, que Dieu soit satisfait d'elle, et son mari associateur. Parce que elle, elle est devenue musulmane, lui pas. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يفرق بينهما. Mais le messager de Dieu, prière et sage lui, à l'époque, dont la Mecque n'avait pas le pouvoir pour séparer entre les deux, le pouvoir revenait au chef associateur mécois. Fabaqiyat Zainab ma'a. Et Zainab est restée avec son mari. Hiya muslima wa huwa mushrik. Elle est musulmane et lui un associateur. Wa hajara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina. Et par la suite, le messager de Dieu, prière et sa suite, est parti à Médine. Wa fi ghazwat Badr dhahaba Abu al-As fi jaysh al-kuffar. Et pendant la bataille de Badr, Abu al-As était parmi l'armée mécoise associatrice. Wa usira Abu al-As ibn Rabi'. Et Abu al-As, fils de Rabi', est tombé prisonnier entre les mains des musulmans. فكان مع الأسرى المشركين في المدينة عند المسلمين. Il était parmi les prisonniers mécois associateurs auprès des musulmans à Médine. وبعث أهل مكة أموالا لفداء أقاربهم الأسارى. Et les associateurs mécois ont envoyé de l'argent, des biens, des fortunes afin de racheter leurs prisonniers, leurs proches prisonniers auprès des mains des musulmans. وبعثت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفدي زوجها أبا العاص. Et Zainab, que Dieu soit satisfait d'elle, a envoyé de l'argent, a envoyé un bien cher à elle, afin de racheter, afin de libérer son mari Abu al-As auprès de son père, sallallahu alayhi wa sallam. بعثت قلادة لها هدية من أمها خديجة رضوان الله عليها بمناسبة زواجها. Elle a envoyé la chaîne d'or reçu de la part de sa mère, grande Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, lors de son mariage. Lors de son mariage, Khadija lui a fait ce cadeau, une chaîne en or. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَقَّ لَهَا وَتَذَكَّرَ خَدِيجَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Lorsque le messager de Dieu a repéré la chaîne, il l'a reconnue et il s'est rappelé de sa bien-aimée Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, et il a eu une grande pitié. Wa qala in ra'aytum an tutliqu laha asiraha. Et il a dit à ses amis, si vous pouvez lui libérer son mari. Wa taruddu 'alayha ma laha, et si vous pouvez lui rendre sa chaîne. Fa'alu, si vous pouvez, faites-le. فقالوا نعم يا رسول الله. Ils ont dit oui au messager de Dieu. فأطلقوه وردوا له القلادة. Ils l'ont libéré, lui ont rendu la chaîne. وشرط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيل زينب رضي الله عنها حتى تهاجر إلى المدينة. Et le messager de Dieu lui a posé une condition, c'est de libérer, de se séparer de Zainab et de lui laisser la chance d'accomplir son hégir vers Médine. Wa dhahaba Abu al-As ila Makkah, et Abu al-As est parti vers la Mecque. Wa arsala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu ma'a rajulin akhar. Et le messager de Dieu a envoyé Zayd, fils de Haritha. Vous vous rappelez de Zayd, fils de Haritha, le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'un autre compagnon. وَأَمَرَهُمَا بِانْتِظَارِ زَيْنَبْ خَارِجَ مَكَّةِ. Et il leur a demandé d'attendre Zainab à l'extérieur de la Mecque. لِمُرَافَقَتِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ خِلَالَ هِجْرَتِهَا, afin de l'accompagner vers Médine pendant son hégir. لَمَّا وَصَلَ أَبُو الْعَاصِ إِلَى مَكَّةِ أَمَرَ زَيْنَبْ بِالذَّهَابِ إِلَى أَبِيهَا. Lorsqu'il est arrivé à la Mecque, Abu al-As a tenu sa parole et il a dit à Zainab, tu peux rejoindre ton père. Rahma annahu yuhibbuha wa la yastati an yufariqaha waffa shartahu ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qala laha ilhiqi bi abiki fil madina. Malgré son grand amour pour elle, il a tenu sa parole vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit à son épouse bien-aimé à lui, rejoins, tu peux rejoindre ton père. Elle a été accompagnée par son beau-frère et son cousin, Kinan, fils de Rabi'a, c'est-à-dire le frère de son mari, Kinan, fils de Rabi'a. Ils ont commis une erreur, ils sont sortis de la Mecque pendant le jour. Ils étaient poursuivis par un groupe coréchite. Lorsque le groupe a atteint, ou a rattrapé les deux, Akhafa Habbar ibn al-Aswad, Zaynab radiallahu anha bi rumhi. Habbar, fils de l'Aswad, cet associateur, a effrayé Zaynab. Que Dieu soit satisfait d'elle. Elle était sur sa litière. Et il l'a effrayé avec sa lance. Il faisait comme ça. وَكَانَتْ حَامِلًا فَسَقَطَتْ. Elle était enceinte. Elle est tombée du haut de la chamelle. فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا. Et elle a avorté. فَأَخَذَ كِنَانَةُ سِهَامَهُ ثُمَّ قَالَ. Kinana a saisi ses flèches et il leur a dit وَاللَّهِ لَا يَدْنُو مِنِّي رَجُلْ هُوَ مُشْرِكْ. مشرك يدافع عن مؤمنة. انظروا ماذا يفعل الله تعالى وتبارك. ينصر دينه بالمشرك إذا أحد. Kinana, qui était encore associateur, leur a dit, un associateur va combattre les associateurs pour défendre une croyante. والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. Chaque homme qui se rapproche de moi, je vais placer en lui une de mes flèches. فابتعد الناس. Les gens se sont éloignés. وجاء أبو سفيان في جماعة من قريش. أبو سفيان est venu accompagné d'une délégation de Quraysh. فقال لكنانة. Et dit à Kinana, إنك لم تصب. Tu as commis une erreur. خرجت بالمرأة أمام الناس نهارا. Tu es sorti accompagné de cette femme en plein jour devant les gens. وقد عرفت مصيبتنا ببطر. Et tu as connu notre malheur de Badr. On a subi une lourde défaite face aux musulmans. Wa ma dakhala alayna bi sabab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu connais le malheur qui nous a touchés à cause de son père Muhammad. Fa yadhunnu an-nas anna dhalika minna du'fun wa wahn. Et les gens vont penser que sa fille sort comme ça en plein jour, comme quoi on est devenu faible et humilié. Wa la amri ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة. Et sur ma vie, on n'a aucun besoin à l'empêcher de rejoindre son père. On n'a rien à faire de cette femme-là. فرجع بالمرأة. Reprend la femme vers la Mecque. حتى إذا تحدث الناس أننا رددناها. Comme ça, lorsque les gens dans la Mecque vont dire comme quoi, ce sont nous qui ont eu le dessus et nous avons pu faire revenir Zaynab vers la Mecque. فَخُدْهَا سِرًّا وَأَلْحِقْهَا بِأَبِيهَا. Prends-la discrètement pendant la nuit pour qu'elle puisse rejoindre son père. وَفَعَلَ كِنَانَ مَا أَمَرَ أَبُو سُفْيَانَ. Kinana a réalisé ce que lui a demandé Abu Sufyan. وَبَعْدَ أَيَّامَ. Après quelques jours, خَرَجَ لَيْلًا. Ils ont quitté pendant la nuit la Mecque. وَأَسْلَمَ يَنِي أَعْطَى كِنَانَ زَيْدَ ابْنَ حَارِثَةَ. Et Kinana a passé Zaynab vers Zayd, fils de Haritha, wa sahibahu et son ami, thumma raja'a ila al-Madina, ils sont revenus vers Médine. Wa amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qatli Habbar. Le messager de Dieu a donné son ordre suprême de tuer Habbar là où il se trouve. D'après quelques rapporteurs, à cause de cette chute, elle a eu une maladie qui ne l'a pas quittée qu'avec la mort. C'était la cause de sa mort après quelques années. يعني حسب بعض الروايات أن هذه السقطة التي سقطت والدماء التي خرجت منها تسببت لها في مرض قضى عليها فماتت بعد سنوات رضي الله عنه. ولكن هبارا أسلم قبل أن يقتل بعد فتح مكة. Mais celui-ci هبار a embrassé l'islam avant qu'on le trouve pour le tuer et juste après la conquête de la Mecque. Wa afa anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Muhammad priya et sa souli l'a pardonné. وهكذا فرق الإسلام والهجرة بين الزوج أبي العاص وزوجته زينب رضي الله عنها. Ainsi l'islam et l'hijr ont séparé entre eux ces deux, Zainab, que Dieu soit satisfait d'elle, et son mari, qu'elle aimait beaucoup, Abu al-As. وبقيت هي في المدينة وهو في مكة. Elle est restée à Médine, lui, dans la Mecque. وبعد سنوات وقبل الفتح, quelques années par la suite, et avant la conquête de la Mecque, خرج أبو العاص في تجارة إلى الشام. أبو العاص est sorti de la Mecque en se dirigeant vers le nord, vers la Sichem, pour faire un commerce. فيها أموال للناس, dans sa caravane, il y avait beaucoup de biens des Mecquois, ainsi que des biens à lui. وفي طريق العودة, après la fin du commerce et pendant le chemin du retour vers la Mecque, لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, des hommes en expédition, des hommes musulmans en expédition, l'ont rencontré, فأخذوا الأموال, ils ont saisi les biens de la caravane, وهرب أبو العاص. Et أبو العاص a pris la fuite. وفي الليل, لم يستطع أن يعود إلى مكة. Il n'a pas pu revenir vers la Mecque, parce qu'il n'y a plus les biens et la caravane. ذهب أبو العاص في الليل إلى المدينة. أبو العاص, pendant la nuit, est parti à Médine. وذهب عند زوجته زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est parti vers Zainab, que Dieu soit satisfait d'elle, son épouse, qui est la fille du messager de Dieu, prière et sajourné. فاستجار بها. Il a demandé auprès d'elle la protection. فأجارته. Elle lui a accordé la protection. وأخبرها أنه جاء في طلب ماله. Il l'a informé comme quoi il est venu pour demander ou pour prendre sa fortune, ses biens, sa caravane. وفي صلاة الصبح في المسجد النبوي, pendant la prière de l'aube dans la mosquée prophétique, صرخت زينب رضي الله عنها من بين النساء. Zainab a lancé un cri du lieu où se trouvaient les femmes. أيها الناس, ô musulmans, إني قد أجرت أبو العاص, j'ai accordé ma protection à Abu al-As. وبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم. Après la prière, le prophète prière et sajoui dit, أيها الناس, هل سمعتم ما سمعت؟ Ô gens, avez-vous entendu ce que j'ai entendu؟ قالوا نعم, ils dirent oui. قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك. Par celui qui tient l'âme de Muhammad entre ses mains, je ne suis pas au courant de tout ce qu'il y avait comme histoire. حتى سمعت ما سمعتم, jusqu'au point que j'ai entendu ce que vous avez entendu. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابنته. Et le messager de Dieu par la suite est parti voir sa fille chez elle. فقال لها. Il lui dit, أي بني أكرمي مثواه. Ô chère fille, sois très gentil avec lui. Comporte-toi bien avec lui, ولا يخلصن إليك, mais qu'il ne te touche pas, فإنك لا تحلين له, parce que tu n'es pas licite ou permise pour lui. ثم طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال الذين أخذوا مالا مالا أبي العاص. Et après, le prophète prière a demandé aux hommes qui ont pris les biens, qui ont saisi les biens de Abu al-As, وقال إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم. Vous connaissez la situation de cet homme auprès de nous. وقد أصبتم له مالا, et vous avez pris sa fortune. فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. Dans le cas où vous lui rendez sa fortune, nous on aime cela, c'est-à-dire moi le prophète j'aime cela. وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. Mais dans le cas contraire, c'est un butin que Dieu vous a donné et vous avez le droit de le conserver. قالوا يا رسول الله, ils disent au messager de Dieu, بل نرده عليه, plutôt on lui rend ses biens. فاحتمل أبو العاص المال كله. أبو العاص a pris toute la somme, tous les biens de la caravane, وتوجه إلى مكة, et s'est dirigé vers la Mecque. فرد لكل رجل ماله, il a rendu à chaque homme ses biens et le bénéfice. ثم قال لأهل مكة, et par la suite il a dit aux gens de la Mecque, هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه. Est-ce que j'ai oublié de donner à quelqu'un ses biens؟ قالوا لا, ils ont répondu non. جزاك الله خيرا, que Dieu te récompense de la meilleure façon. فَقَدْ وَجَدْنَاكَ كَرِيمًا وَفِيًا. Nous avons trouvé en toi quelqu'un de généreux et de noble et de fidèle et digne de confiance. وَهُنَا قَالَ أَبُو الْعَاصِ. Et là, Abu al-As, devant tous les Mekwa, a dit « Inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. « Wallahi, ma mana'ani min al-islam indahu illa makhafata an tabunnu anni innama arabtu an akula amwalakum. » Par Dieu, la seule chose qui m'a empêché de déclarer mon islam auprès de lui, c'était la peur que vous allez dire, j'ai voulu faire par là, j'ai voulu prendre vos biens par cette chose, c'est-à-dire devenir musulman et ne pas rendre vos biens à vous. فَلَمَّا أَدَّاهَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. Lorsque Dieu vous a rendu votre fortune, وَفَرَغْتُ مِنْهَا أَسْلَمْتُ. J'ai embrassé l'islam, وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَ. Et il a accompli son hijr vers Médine. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته الحبيبة زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et à ce moment-là, le prophète prière et sagesse lui a rendu son épouse bien-aimée à lui, Zainab, que Dieu soit satisfait d'elle, la fille du prophète prière et sagesse. وهكذا اجتمع شمل العائلة. Et ainsi Dieu a réuni les membres de cette famille. Il y a une séance prochaine si Dieu le veut. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa al-afwa wa al-afiyah fi al-dini wa al-dunya wa al-akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma kama jama'tana hawla siratihi fi al-dunya, Allahumma jama'na hawla hawdihi al-kawthar ghadan yawm al-qiyamah. واسقنا من يده الشريفة ظمأة لا نعرف الظمأ شربة لا نعرف الظمأ بعدها وأدخلنا معه إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.